بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازي برادا ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله منك يعني أن الفيض الذي أفاضه عليه حتى صار قائما بالله إنما كان الفيض من الله تعالى لا من غيره، ليس من قبل نفسه ولا من مادة بشريته، بل كان من الله تعالى إلى آخره. كون جوتاي بي ويسو نيغي يامون تي صلاه الغيبه تي بوبم فيمو وخه نا على عبدك القائم بك منك لك اليك مانام جولي بيو جولي ها بي تي حضرت مانام تي جولي غو مات جي تي حضرت نيك بوروم سبحانه وتعالى غاي كو جو فاو yal nako yalla manam julli gog ci anam gi mu gëna maté yal na nek ci dotteku di sax dak ci ki nga xamantene mom moy ala abdika sajjab alqaim wa aji taxaw bi ka ci yow ninka tukke ci yow laka ñel la ilayka jëm ci yow legi nak waxon nañu taxawayu manam ne nit ki manam yentu sa sam ni mu taxawé ci yalla kessé manam par yalla la taxawé pa par bopam té lolou mom moy e que halu arif moy lolou moy ñi nga xam moy voilà sen bakkan dañ dootuñu sukkandiko ci sen bakkan ci dara dootuñu sukkandiko ci sen bop Allah ci dara mais ci Yalla ñi sukkandiko alhamdullilah lolou waxon nañ ko té yaatalon nañ ko tamit ñaar jotay yi wessu ci lolou la ñekko alhamdullilah leg fi mu wax qawluhu nak wax bi mu wax ne ming ko ci yaw la joge mu ne yaani ming ci nam anal fayda nak bubb gi alladhi bi nga xamne afadahu bubb nako alayhi ci mom manam effusion bi nga xamantene mom mo am les flux l'abondance des flux yi nga xamantene mom moy wacc ah yalla diko wacce alayhi ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam dakoy def manam hatta sara mbete mu nek qa'iman di aji taxaw billahi ci bur yalla ta'ala manam kon flux bi en fait effusion faydu bi moy faydu bi bëbb gi en fait moy waral lool li tax mom muy mëna dem ba nga xamantene legui day taxaw ye yalla kessé likoy waral lool ak bëbb la gutu ke ci yalla bu koy defal lol moy maanaaw lan la hawla wala quwwata illa billah manam lolou maana bobu mo boko xole moko def trésor ko def kanzu moko def kanzu trésor ha ci le lepp nek wala amul pexé ngir meuna muccu wala katan ngir meuna jot ci dara ngir meuna def dara lulul ci yalla yalla ci le lepp ci mom la lepp jugge te ci mom la lepp balle mom moy ki nga xamantene kon yaronte bi sallalahu alayhi wasallam limu don liko indi lako waral moy bubb gi nga xamantene mom la yalla bubb ci kawam lolu mo tax muy meuna taxawé yalla té lolu gisoon nañ ko ci yaqutul haqaq bi mom daana bo xolé fofu lañ doon gis moy lan yaronte bi sallalahu alayhi wasallam du dara ludul manifestation manam yal manam reflet la ci touru yalla ya ak ay melom yu mu manifester ci mom de telle sorte que bu ko ci mo ak jëmum manam nek borom subhanahu wa ta'ala ci nekam moy en son essence manam en lui-même en son essence la manifester wu en son dans son être en son naissance dans son existence le plus profond dans le tréfonds du tréfonds borom yent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi dafa manifester wu ci mom et que reflet am la mu refleté wu ci mom tamit manam reflet ba paré manifester ci mom aussi touram yek melu yep sans exception yalla ñu yalla bolé ci ñi nga xamné dañuy saisir manana bobu ndax saisir manana bobu rek moy maarif maarif lu leen lu doon nga saisir manana bobu de nga kon faytu bobu bi nga xamanteni mom la yalla bëbbal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba muy taxawé yalla innama la amres moy kana nek na al fayd bobu le bobu min allah di tukki ci yalla ta'ala ajka wajil la tukewul min ghayrihi ci kenen ci yalla la djugge laysa nekul min qibali di tukki ci manam di djugge ci walu nafsihi bopam mum yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala du tiagel min maddati ci manam madday manam moy matière bashariyatihi ay kojuk dom ad kojuk nitem manam djuggewul ci mom ci bopam manam matière bi nga xamantene c'est d'ordre manam moy corporel corporeité bi du lolou deng nga du ci le fait que mu nek nit ni du fofu l'affaire djogi faydo bi yenn bi sa sam dedet ci yalla la djogi lolou tax mu nek du spirituel deng nga ballu fi nek kana dafa nekkon rek dafa nek naka djek kana bi lolou naka jek minallah yu tuké ci allah taala di kay li non kané dañu wala ay wala surtout ci alquran bu wax kana lu ci bare bare manana bi lay wax manana bi mu yor fi ni tay wala manam du né lolou manam du le passé mais musul denté du den lay tek comme nan wa kana allah ghafurur rahim gis nga wala tekki wul né yalla dafa nékkon ko xamné wala yoy dedet mais limi tek moy naka djek yalla musuta deñ te du deñ di nek lolou la kana bobu di tek ghafuran di aji djek la kon rahiman di aji yata yermade man naka djek musuta deñ te du deñ qawlu wax bimu wax ne laka ñel la nak yaani mi ngi ci nam annahu naka mom tax qama dafa taxaw lillahi ñel bur yalla ta'ala aji ka aji fi jami'i ci mbolum harakatihi yengatom wa sakanati ak dalam huwa mom dal lillahi ñel na bur yalla ta'ala ajka aji laysa det li nafsi ñel bopam fi ci mom ci mbiram yoy manam moy yengatom yak dalam hazzul aw cer wala wala nasibu du ciagneu xaj denga manam fi leppum yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci yalla la jogue war ilahiyun mahdal rabbaniyun mahd manam moy ko xamantene lepp ko jogue yalla la kesse manam intrinsèquement kesse rahul dara yalla la ju rahul dara yenenbi sallallahu alayhi wasallam leppum yalla la leppum ko jogue yalla la gu rahul dara deng mom mbolam yeungatom yi ak dalam ngir yalla la lan la ko yalla wax ne ko nako khul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin sallallahu alayhi wasallam waxal ne inna salati li wer bu wor moy ne sama julli wa nusuki sama jaamu yalla yi may def manam ci walu aji ben la mais yenen xet jaamu yalla moy menace ki rek lepp lo xamantene xet jaamu yalla gum meuna don guma yeungatu rek wa mahyaya sama dundu yep ak lama cey def wa mamati sama genn aduna ak la ca aj yep lillah ñel na buri manam man defalumako kenn amul kenn ku ca am ben cieur ludul yalla rabbul alamin kay borom mi def la sharika lah dayer duma ci bokale kenn ci mbiku kenn amu ci association manam kenn amu ci benen xat kenn amu ci benen parti yalla yi kesse kesse la sharika lah wa bidhalika ti ci mbir mu melni li nak ci li ni mo wax ne lol lay def umit lol lañ ma digal wa anata man yenente bi sallallahu alayhi wasallam awwalul muslimin man may nga xamne may ki ñeuk womat ci way womatu ci mbir yi yep man ñeuk womatu nga xam sama lepp dama ko jël jox ko yalla yi kesse boy en fait lol moy walu wamal wali yu siwa ko xamne bayina lepp han tete ak borom kok moy wali moy ki nga xamantene mom en fait wali mi ngi duggé moy wilaya moy alliance partenariat collaboration lool moy wilaya ha alliance partenariat collaboration moy ak parando ak mengo su fekk legui kon wali bi moy kan moy ki nga xamantene bi ñepp kenn ku ci nek am ko faral ki farak aduna ki farak alal ji ki farak jigeen ñi ki farak leneen ki farak ku nek am lo faral lo xamantene mom moy say préoccupation nga dem di collaborer ak affaire yoy ki farak ay internet ki farak bakkanam ki farak mom dafa bayyi lepp dem farije ak yalla lool moy wali mu am deux volets ki nga xamne yalla farag mom ak ki nga xamne mom mo farag yalla mu am ñaari volets yoy ki nga xamantene mom mo dem farige ak yalla kok mom walu yu bu ndaw la ki nga xamantene yalla farag mom moy walu yu bu mag bi la moy walu yu yatawallahu allah ak walu yu yatawallahu ak walu yu yatawallahu allah donc ñaari côté yoy la ki mom tout temps day def effort pour di and ak yalla ke yalla ci bopam moko xëc ci bopam naka jek jaglel ko ay bir yo xamantene amul sabab bop moy wilaya bu mag bi parce que yoyu may yoyu ñoo gëna reuy souvent borom may yu reuy moy ñu doon akkelo borom may yu reuy fofu ñom groupe bobu lañu ne ñom c'est sûr que amul luñu def lutax ñu am li ñom yalla dal mo len tan non depuis la pré-éternité mais ki dam koy jël dina ko indi ci aduna jamono sangam place sangam ngir mengale ko nangam mu taxawé nangam ma jox ko ci ay lèr ak ay secret ak ay mbout ak ay may ak ay jaglé lu toll ak ay teranga hein yu toll nangam ngir mu taxawé mbout moma ci jamono jojja période boba et cetera dama farak mom man ma farak mom amna ñeneen ño xamantene dañuy farak yalla ñoom ñuy farak yalla mais souvent ñuy farak djegi yalla dafa fekk ne yalla dafa farak ñoom motax manam amul ne ñi ñoom dañuy def yi kon ñoom ño dem top gi farak yalla après ñi ci dess yalla farak ñoom mbir mi demé wut non ñi dem di farak yalla dafa fekk ne yalla farak ñoom ba paré lala tax imam ibn atar la rahmatullah alayhi mo xna bo gisee nit ko xamantene dafa nek ci wer bi di sikat ak di julli man di def jeuf yi biti ni yu bari bul ko xet parce que tout simplement gisulo ci mom taru arif leru arif billahi ak taru mi nga xamne ñom ñoy ahlul mahabbat mu al muhibbun bul ko xet ngir lolu parce que lutax parce que le couti ci lamu mel namu mel ci lu bax le ko ci teye ba tax mu meun koy continuer moy dafa fekk ne yalla moko teub ay leer su du won lolou du mun di taxaw ci jaamu yalla gi mu nekké ah oui wala su doon lolou du ko man d'ailleurs ci buntu bobu ci lañ waxé ni wa tariqa bi ay awliya la manam ci sans ben sens bokku na ci sens yi parce que wa tariqa bi yépp dañuy julli sa monté mom dañuy sikal fo du ñu fekk et cetera rien que aju biñu aju ci sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ak ngeenel gi aju ci lolou doyna mais du ñepp la yalla yamale ci ben jagle bi mu len di defal man du ñepp ñoo yam jagle yi len yalla defal amna ci ñoo xamantene nak par contre yalla da lay ratan ci seen biir amna yenn xéetu jagle yu mu len defal yo xamantene bokku te ñu defal comme bi ci seen biir ci buntu bobu lañuy waxe comme ak ñak comme ci biir tariqa bi mais pas ci buntu ci diiw la jele werr ci diiw la qdd du ci buntu bobu mais ci buntu bi ñu amé ñu comme ak ñi xamné ñoy borom jaglé d'ailleurs moy liñ do wax ci rek ñu manam ñi xamné ñoo mom akhir la ak ki nga xamné mom soit salik la wala majzub deug la voilà parce que tariqa bi tam loolu dafa am ño xamné dañoy jël werr kess ñoñu dañ leen di tuddé ci jall manam dafa am d'abord ñi nga xamné ñoom dañoo aju ci tariqa bi loolu dinañ ci gëna ñew bu ñexé ci amna buntu moy moy buñ bi ni bi ci tek wa moy ñaaral bi inshallah premier chapitre dès le deuxième chapitre deuxième chapitre voilà inshallah manam ke ni tariqa bi dafa am ñaar yoy dafa am ñi nga xamantene ñom ñoy muta'alliqun moy ñi aju ci tariqa bi rek ñi nga xamantene legi ñom dañ ci aju manam ay soppé lañ na moy muhabbuna ñom jori ñu wér ñom dañu sopp cheikh radi Allah am sopp kiw jamal leen su jamal wa tariqa bi wala deeng bu gaay xewle sax da lañ dem deeng bu gaay de ki ak yoy luñu wax ci cheikh sax ñu contane moy partisan wala moy moy naka partisan dedet amna benen tour sympathisant wala sympathisant ñoñu am nañ ay ngeenel bo xolé ci 37 yi ñuy lim nonu yi ñu yi borom rema xlim radiyallahu anhu d'ailleurs mom la borom faqihatut tullab lim tamit radiyallahu anhu parti manam 37 yoy mu lim 14 yi ñoñu ci lañ bok ñom am nañ ngeenel yoy legi mu am ñenen moy ñi nga xamne ñom ñoy ñi nga xamne dañu jël werde akhis ci japp werde comme ko tout leer di wax ci japp werde ki nga xamne dafa jël werde koku benn groupe la koku ci bir 37 yépp mom borom ci amna ci ngeenel yoy amna ci mais nak amna ci yum ci bokul moy ñi nga xamne dañ nan ahadu hadhihi tariqa li ni am lenat ci watar ko ñoo bokkuñ ci lool parce que ñom dañoy jël kessé légui mu am ñi nga xamantene nak ñom vraiment ay borom yi jagne lañ ci bir tariqa bi ndax dañoo soobu bu wër manam jima xam état d'esprit bi tariqa bi di doxé ak li nga xamantene mom la laaj ci engagement ak détermination ak doxalin ñu nekk ci ñoñu mom dañu téy deug dañu soobu manam quintessence tariqa bi état d'esprit bi manam li nga xamne mom moy lutax ñu tuddé ko tariqatu shukri ak tariqatu mahabbati yoy yep lan motax lool ñom lool lañuy incarner fexé ba diko dundu nek ci soobu ci nak deug japp ci affaire yalla ubbil leen buntu yo xamantene buntu mbotam yi la ak buntu leer yi yu mag moy salik kok moy salik soobu kat la kok aji soobu la le cheminant ki ci dess mom moy ki nga xamne dañ ko xëc rek attirer une attraction l'âme il a subi une attraction spirituelle mom la ngelaw lol lal ngelaw lol ñu doon wax voilà deug kokku mom non la mel manam mom dafa nek ci tariqa bi japp nako mais mom nekul ko spécial di def yenn affaire yi sou cheminer wul manam djelul sax xétu amul benn xétu tarbiyé bu spécifique ni bu muy suivre ak benn xétu manam yoy amuko sax mais dañ ko wala cheminement spécial la nekul di manam esprit bi nga xamne moy esprit tariqa bi ci ciossane manam moy bi nga xam moy quintessence bi parce que comme que ñaari tariqa la en réalité tariqa bi ñaar la du benn tariqa bi ñu du benn rek ñaari la bu ñëk bi mom moy bi feñ du zahir jëlal werde respecter condition yi li la del ci kar suba ngor del def li hadara juma nga def ko xet yoy lool mom moy bu ñëk bi manam moy fiqh bi mom boy bu ñu jàngalé tariqa bi lu ci ëpp sax lool lañu jàngalé moy fiqh bi lu feñ bi fi le côté apparent mais dafa am benen côté moy ñaarël bi mom moy bi nekk ci biir bobu nak lañu insister ci nga xam deug kan maqama cheikh mati diane moy kan radiyallahu anhu jiim ko comprendre haqiqatul muhammadiyya nga xam lan la ak li ci aju moy comme ñi jàng ni nga duggu ci réalité mbir yi nga xam turu yalla yi seen melo et cetera ba pare nga cheminer mu am benen yoon bo xam manam ci biir yoon bobu manam nga incarner yoonu manam sahaba yi radhiyallahu anhum nañ melon mom moy manam nga wara jël sa lepp delu ci yalla manam nga jema incarner melo yoy moy melo wa ahlul itlaq wa ahlul mahabbati nga jema incarner seen ay caractéristiques seen ay melo manam lolou nonu lolou nak parfois day laaj kou la ci jappalé lolou moy tarbiya biñuy wax am ay parfois bon mën na la jox ay dogi salatu fatihi solo mum ay humeur solo manam pa humeur mais humeur spirituelle manam solo mom ni mu comprendre mbir mi mën na lay wax yenen ak bim lay def lol di la jangulo yenn ci alcorane ay yenn ahzab yek yoy et cetera d'ailleurs ci liñ tollu ni moy né ay zikkar la yo xamantene ghayra lazima la warul du kep ku jël tariqa rek dalay war zikkar yi ni et cetera bop mom benen yoon la bop tariqa bi la benen lool mom benen la bu gëna profond voilà bo so manam am lolou nak yoon bo moy soubu yi moy en fait manay ci nak moy nek ci comme liñ gis ci kunuzul haqaqi moy le côté intérieur c'est-à-dire que li nga wara incarner en tant que talibati jam liñ gis ci kunuzul haqaqi moy xam yu nek ci kunuzul ashra bi yoy la yoy en tant que talibé dang ko wara maîtriser xam ko japp ko ki ko et cetera moy ñu gis ci tayseer bi voilà ce sont des choses comme ça yoy la d'accord donc bel bi ngay wax ci fofu lay jogé exactement yoon bobu la d'ailleurs xol d'ailleurs motax ci début tayseer bi Seydou Hadji Mal radhiyallahu fofu lako tambal ci mom la ñom lay wax manam ci waxu ahlul mahabbati yoy té ñom la jéxala tawé han sallu salatu wa taslimun zara ataran ala al habibi wa alihi wala manam manam kon ahlul mahabbati yoyu ñoñu sen incarne parce que lolo tax ñu tuddé tariqatul mahabbati tariqatul shukr wa mahabbati wa shukr donc yoyu xam yoyu ak li ci aju ci li nga wara incarner ak yi nga xam dang ko wara saisir comme sens mu sax ci sa xol après mu nek une réalité boy dundu ak boy comprendre lolo après lolo benen chemin la kokou nak ki nek ci lolou nak kokou moy vrai tidiane nak kokou moy ki sobu sinon kele dañ nan da japp werde kesse akhiz la mais nek considère tout même comme tidiane waaw mais du vrai tidiane manam bo ñewé ci deug ñi ci ñom duñ ko tuddé vrai tidiane mom la cheikh bi doon wax la dara ci masati ok rahiqul maktum nek ke ni amna ñi nga xamantene dafa japp ki nga xamne dafa japp rek te soobu wul te wala bok amul jazbu bu werni manam kenn bijjiw ko deug kokku kenn du ko considérer comme tidiane ku japp tariqa rek lañ ko ku japp werd rek lañ ko considérer donc ko ku borom subhanahu wa ta'ala bëgg jappalé surtout ci tariqa cheikh da fay comprendre li ni yu wala exactement nga do soobu ci doxalin bobu lol mom motax ngay gis ni beuri ni japp wer bi mais bon c'est ngay gis visiblement dara changé wul sen doxali non voilà yi ci car li nem ki mais voilà fara yama sen fonctionnement mais ça change li dara changé wul voilà dinañ wer bi dinañu julli dinañu def voilà et puis voilà quoi parce que en fait li tax deug tariqa bi ñew ñom lool nekku ñu diko incarner état d'esprit bi ñom réaliser wuñ ko duggul ci ñom hein mais li nga doon expliquer kéro nga né xalé bi day am 10 ans jël wir de légui en 2 ans état d'esprit bi mo war comprendre ci tariqa mu comprendre ko incarner ko yi ci makka moy kawé yi gis nit ku jël à l'âge de 7 ans dem ba am 70 ans waaw wala 80 waaw 90 ans mais du dem faire en réalité il n'a rien réalisé spirituellement amen parce que kokou dafa japp rek ah oui alhamdulillah fekke na jotaay ah voilà kokou dafa japp rek n'a rien compris kokou il n'a rien réalisé d'accord lol la quoi c'est que def motax yoy jarna xamé faut comprendre quoi voilà faut comprendre affaire yoy bon légui kokou kenn la mu am ko xamné kokou tam moy majzoub moy deuxième personne bi nga xamantene moma ki ben la moy ko xamantene dafa réussir ben manam kokou yalla moko xëc rek manam mom nekul di sogu di dugg ci yoon bobu mais yalla moko xëc muy réaliser ay affaire yo xamné manam ci yu simple yi ñepp di def mom ci la nek jëmul sax xam lan moy incarner parce que déjà xamul sax lan moy nek fi di incarner état d'esprit bi mu wara andal ak yoy mom xamuko mais yalla ko xëc naturellement koku moy mourad wala waaw koku mourad la exactement voilà moko xëc naturellement mu nek ci affaire tranquillement mais kokou day am réalisation spirituelle bu graw bu ci bolé di soobu nak mom après kokou mom phénoménal kokou il est phénoménal donc dou l'intérêt bokku ci ñaari moy manam en même temps nek salik wa après di ñaan bu bitt lo souvent ngay and tariqa bi ku ci nek motax ñuy wax ne wa tariqa bi ñoom ay muradu la lañ ñoom murad lañ man dañ leena nam moy ne ku ci nek lool la lool motax moy da ngay am réalisation di soobu en même temps yalla dula xëc parce que le fait que nga nek ci bir loxoy cheikh mutidjan rabbi al mutila bot la jeex la fu muy dem da la yobale ce qui veut dire que yow dañ la bëgg pour lool yalla lañu yalla defal ba nga xamantene tout temps dañuy nekk ci loxoy cheikh alhamdulillah duñu genn ci lu tollok mom manam duñu genn lu tollok kefa xit wala lu ko gëna neew du genn mukk ci biiram ci loxom waaw teyñu bu baax waaw lool ku ko am nga lepp ku ko am nga lepp voilà les code kokou manam il faut mu am manam état d'esprit bobu gis nga lolou nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom non la mel manam mom lolou lay wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom non la mel naka jek leppam ci yalla la aju demam dikkam gis nga manam giso julleem neena julleem mboram xetu jaamu yalla yep dundam ak li ci aju genn aduna la ci aju yep yalla rek ko mom te bokale wu ci kenn dara mu nekke lolou man lolou lañ ma diggal te man may ci jëk womat ci way womat yi même bu daan julli bu kabaré comme li ci sayna ali wax radhiyallahu anhu suma hadith bu nek sunna mo abdou rahmatullah alayh wala tam parfois mën nañ ko wax juste avant ñuy kabar bu day julli farxay ni mun na dana wajjat wajhi lil ladhi fatara samawati wal ardha hanifan wa ma ana min al mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika wa ana awwalul muslimin kum wala manam sama jëm ji yep djublu nako sama xar kanam djublu nako ci ki nga xamne mom moy ki fent asaman ak souf djub xoc wolif bepp yoon wu deung te man bokuma ci ñuy bokal après mu daldi wax li nga xamne mom lañ ko digalon sama julli sama mbolam xéetu jaamu yalla yi sama dundu ak li ci aju yépp sama genn aduna ak li ci aju yépp ñeñ la yalla rek moy borom mindeef yi te man li lañ ma digal te man may ki ñëk wo mot ci way wo mot yi sallallahu alaihi wasallam amul len yoonte bi sallallahu alaihi wasallam amul dara lu genn dara am lu dul yalla la leppum yalla la leppum yalla la sallallahu alaihi wasallam motax mom ci jëmi bopam moy leer bi yalla sallallahu alaihi wasallam goma ulufum yalla la motax ñaanam yi bo xolé sax même bu daan dem ci jakkaji ñaanam yoy lool la wax lu mu ñaan na nako yalla defal fofu manam defal ko ci leer kum gis gisam deg degam kawam ci suufam moy leppum yalla la ba param mu muju sax ne mom ci bopam nako yalla def muy leer manam gis nga kon donc lool mom moy benen étape bi mom ci bopam moy leer te sik nekku ci ne yalla defal nako daf ñuy jangala la rek ñun sa sa nan lañ wara comporté wo deng kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la melo bakkanam amul won ben ci lolo tax nit ki moy liñ doon wax manam danaka liñ wax manam liñ waxon fele bon la fexel tout lepp ba sa bakkan genn ci yow libéré ko baye ko mu dem bu ko téé mom nak day bëgg tok mais genné ko nako wara dakk waaw force wa fokk bu déme nañ day collé wu ci sa tanki moy sa dalé mais da koy simi fa nga simi wala wa force ko simi boko bëggé simi fa nga seug parce que dafa ci collé dafa serré nga seug dindi lasé yi simmi ko soko deful do fonctionner do dem yent yalla Moussa alayhi salam yalla lolou lako jik digal fakhla ma alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa fi hadar yalla sadal yi simmi ko avant dara bi xew il faut nga def lo sino do def ci hadara bi hadara yalla amul ay ñok fa ak say dal bi ciup ciup tan ko neul kesse dem voilà mune kama kem ni nga xamne naqala non la toxale ar ruwatu way netale ñay toxal mbiri moy plurelu rawi moy ku solo mbir ruwat moy les rapporteurs ruwat voilà les rapporteurs mbiri mune nga rapporteur deng anu du jele ci mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam te musul ko ino liwer bor mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam musko man tafara musuta dimbali di jappale xat ben yon li nafsi ñeul bopam manam di sako dimbal manam di jox deug bakkanam abada wala muy fayu pour bakkanam ma kan mun takbal le nafsi mun tafara amma ta'amu falam yamdah walam yasul yantu bi sallallahu alayhi wasallam lool la manam musul def lool ni hadith sayyidina ki abu hurayra radiyallahu anhu ومويت مستدرك من حاكم رحمه الله رواه حديث كيسنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ينتبي صلى الله عليه وسلم موسوتا ديمبالي بوبام ني داي فايو ولا مانام دي فايو بوبام ابدا لول دون كو ديف لين دا لا خام موم دار دان نكو ديف moy mu taxaw pour jappalé sharia nit def na lo xamantene sharia da koy tek dan da ko koy tek lol tamit benen forme xex ak sa bakkan la parce que ñu bëre dañ fogné xex ak sa bakkan en fait jota ay wessu gis nañu dañ gis façon xex ak bakkan bi gëna général mais efficace tamit moy wala nga nek ci exactement mushahada di contemplation voilà mais bo jëlé tamit ka par ka tout le temps da fay am yo xamantene bakkan dañ ko non lañuy japp non lañ koy xexé d'accord solo ka bi wa yakana lolu lañu xam sotu bakara tafsir sotu bakara wa parti bobu manam lu ne dafa laaj comme li bu fekente ne gis nga acte sharia dafa teerul teggu so waxe li sharia bëgg wala nga doxale ni sharia bëgg ay ngañu mo la ci fekk fof tam da nga war xex ak sa bakkan muy nga def ko après ñan yi la ci fekk waro ci mer amo droit mer ci parce que yow lañu xass bi pa ken xassul sharia yow lañu xass yow lañu critique amo droit mer ci xam nga lan nga wara wax sama der bi sa raxena ko en fait parce que bakkan lañu attaquer rek du en fait ki ñu attaquer ci yow du lu bax ni ci yow lañu attaquer mais bakkan bi lañu attaquer donc bakkan bi buñ ko jox deug moy mer mo yeug bopam moy yeug bopam avi fayu voilà bu boba fofu nak contemplation mi ci lay moy mushahada bop ci lay amé njariñ voilà su ñëwé bu bakkan bi naré jog rek di gonfler rek ganiko nga xalaat yalla tuddu yalla allah am nga julli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam mu daan uma bu ci sasi wa il faut nga comprendre que ni waro fayu voilà waro xuccu wa biye def xolal sayyidina ali karramallahu wajhu moy kissam bobu nga xamne dafa daqé yéfer bi dako de xex yéfer bi tim ko war ko ray yéfer bi tuflu ko mu bayiko wa légui mu bayiko munako lutax munako parce que bima la narona ray bobu parce que ci yoonu yalla la nekkon mais bi nga ma tuflé manam suma la rayé boba c'est comme si dama la ray parce que dang ma def luma metti il y a une différence Allah hein mon gis gis bi kawer ah oui ça fait mon tolon voilà voilà est-ce que tu as une conscience réfléchir poser ni am analyse bon mais lolu nak moy xex ak bakkan c'est-à-dire que xex ak bakkan mu ngi consister à ce que nga entraîner ko de telle sorte que nga dresser ko comme ni ñi dresser xat yi ni animaux ni de telle sorte que moment bobu du mom mo lay dominer mais yow ya koy dominer lolu lolu lañu xex ak bakkan bakkan en tant que tel manam du dé complètement en bakkan du dé hein donc dedet tout temps dina fi dess mais day must dé dial comme ñu gissone ci kunuze kunuza sa day mos de dial mais da fi nek mo d'ailleurs parce que mom mo lay permettre ngay mëna am ay goût ay sentiments ay yoy mo la koy moy permettre nga koy mëna am voilà par exemple ciébu jeun dila dakal par exemple ciébu yapp lolu lolu bakkan mo koy permettre parce que lolu su démé complètement lolu doto nek ti nit mais day mos degi mais il faut nga dresser ko yow ya ko wara dresser pour lolu lolu la C'est ça. Tant que demo ba amato sensation bo ça ça veut dire que nga dund. Lan ce comme li nga wax ci bu jeul ndax. Dede. Manam liñ ci djublo liñ ñu djublo won moy lolu manam lolu nonu fokk day nekk ci nit. Manam lu mu kawé tamit dina am ay préférence yu mel non. Mais que yi nga xamantene mom mo aju ci ego côté bu bon bi. Bobu rek bobu mom ngay dindi ci mom lolou soko dindé ci mom day mos dé mom bakkat comprendre d'accord voilà mais dina fi nek batay après day nekat day dundou sauf qu'après day docile sauf que voilà après day nek comme si ben xat bu soxor ni bo xamanteni dañ ka jël dekk ci kër gi diko yar diko défar diko ki ba nga xamanteni légui day top rek liñ ko wax dëg daal moom comme li nga heure bu la bëggee fitna rek arme boobu mooy Allah bi wala salaatu fatima waaw non loolu waaw arme bu efficace la léegi nafs suñu su demee ba nekk ruux mooy keroog voilà exactement voilà loolu moom mooy li ñu wax ni parce que mooy taraw xana day nekk day dem ba nga xamante ne day transfert mu nekk ruux exactement mooy li ñu wax ni parce que dafa mujjé légui djël melo yu waxi non day djël melo mais mom mi ngi fi mais mom mi ngi fi ah d'accord légui comprendre voilà des docile voilà des docile légui voilà légui mom sou d'ailleurs mu ngi mel comme sa yaram rek nit ki bu évoluer spirituellement bu mu jé nek lér kessé yaram bi téréwul yaram bi da fi né mais sauf que yaram bi légui doot xamati moy yalla doot ko defati et cetera voilà nit ki nonu xol bi xam nga mi ngi fi mom moy melo yi manam bi fi nga xamné day jallal bi ci digënté lu baax ak lu bon mais bu démé ba nit ki ba dem ba nga xamanténi roox bi dafa mujj dominer affaire bi xol bi day mujj stabiliser wu mel comme roox mais xol bi mi ngi fi batay mais comme dafa sujjot stabiliser wu na nek comme roox fanaaw nak mom moy manam moy l'état d'extinction wala la station d'extinction moy fanaaw bo mi ngi consister à que bakkan bi dé manam voilà manam moy lepp li nga xamné moy côté bobu nga xamné moy ay ego yoy non dañ manam ego bi libéré wu dañ bu libéré wo day gën dem bu démé lan moy dess bakkan bi mi ngi fi en tant que mais dootul day am effet wu ruh day am halu ruh lool mais nak lool nak la la wax né la mom moy tax ngay mën di am par exemple yenn ki comme ni par exemple né masalan ci bu jëm kat momu gënal ci bu yapp masalan ak yu mel non même boudé affaireu aduna la ni manam affaireu ba monde bi la ni mais sant lolou fo muy nek ci nit ki pour meuna na nit voilà mais par exemple kou mel nonou meuna tok and ak ci bu jeun nim koy bëgg yépp ci bu jeun taw mu téyé bopam né du ko lek dina man am pouvoir bobu ci kaw bakkanam alors que kele duko man ku ndiek ki nga xamni agul lol agul fofu koku duko man xana mu am lu supreme lu ko teye lu demene ak ay mu nek ci cor wala yu mel non wala médecin bi téré koko parce que dafa am fièvre wala yu mel non mais su fekkene mais naturellement ni rek mom doudou fi gis ci wu jeund ko fi dafa lol mom bokku sax comprendre voilà lolou la ko donc bakkan kon yow il faut pas que nga koy jox ben xéetu deug wala ben xéetu jappalé ci dara té lolou mo nekkon xali yantu bi sallallahu alayhi wasallam voilà yé sa sa mom dafa ray bakkanam manam bobu non mom amul bakkan dañ koy dindi won déjà d'accord mais bo tay bo sétlo ba tay da ngay gis baati hadith bu ñu netali dañ nan doonul won dimbe ni bakkanam manam da ngay gis pourtant ñi utiliser batu bakkan fofu mais fofu li ñi wax bakkan moy li nga xamne mom moy parti bu doy war bi ci nit mom mom moy cieuru sheytane gisoo lool tax biko malaka bi jenne ci xol bi dal ni li mo nekkon cieuru sheytane ci yow waaw biñ xare dund gis nga biñ ci dindé lu ñuul lool ci xol bi dañ ko li mo nekkon cieuru sheytane ci yow manam moy bakkan lool nak yow nga wara libérer en fait lool nga wara dindi. C'est ça. Affaire bien fofu la né. Ouais, j'aime. Mais en tant que bakkan batay dina fi di nga ko am parce que d'ailleurs motax ngay dundo hein. Bakkan. Motax mo la téyé fi ci souf. Su bakkan bi génné complètement dem yonam complètement manam lepp li ñu tuddé bakkan manam pas que côté bu bon bi. Mais lepp de manière générale bu lepp dañé mom moy déna moy da ñak bakkanam ñu nan diw ñak na bakkan bi il a rendu l'âme doutou yé dara day moy déna il a rendu l'âme moy dafa dé voilà à part yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kep ko xamné ni da nga bëgg par exemple moy parce que li ni bakkat boko ré da nga am futul akbar. Est-ce que wal yu yep ñom ci cheminement bi lañu jaar ban pour manam xex ak sen bakkan jaaré ko ci tuddu turu yalla jaaré ko ci salatu ala nabi ba gagné bataay bi wala est-ce que amna ño xamné naturellement dañuy judd rek sen bakkat dé ah en fait déjà il faut nga comprendre que ni li lay dimbali ci sa xex ak sa bakkan manam ba tax nga mën réaliser lolu. Il faut que comprendre ko ci comprendre rulo xamal ni sa bakkan du genn ci yow parce que mëno ko libérer sa bop xamal lool yi ñuy wax ni ci pour nga libérer sa bakkan ak ni dina la jappalé yi dalay jappalé momentanément c'est-à-dire que instantanément instant bi ni la may jappalé au fur et à mesure ma diko def dina denc ci man. Yangi deug mais ben mbir moy bi nga xamantene il faut que yépp ñuy wax ci bakkan nak bu ba légui ben mbir mo xamantene mom la wara lekk lool te moy tiabi fek bobu mbir amul bakkan du libéral ben mbir moy nga jël ko mom bakkan nga tek ko ci loxol sëriñ bi comme bo beugé goné nga féral ko ming koy jëlé jox ko ci loxol kiko wara féral ming koy def nga def ko non boko deful bakkan bi du libéré wu mukk moy du fer bakkan bi du fer xam nga luy fer voilà sevré ci yi nga xamantene moy ay bané xam ay bëgg bëggam ay li nga xamantene mom moy yimi laaj ak yoy way sevrage moy fer du ko def ah li non la nang koy tek ci serigne buma serigne nga koy jox waaw donc ñaari nga xamantene mom da koy jël mom da na ko guenné mais yi mala wax nak ci ay né ni ngay def pour note ko ak yoy ay outil la yoy ay outil la yo xamantene soko defé manam ngir mu meuna gaaw guen day yomb ngir mu gaaw guen day yomb lolu sax baatu aslamtu nafsi bobu ngay deg wa lolu lay tek vraiment aslamtu nafsi moy djebul na sama bakkat sama bakkat la dem djebul lako lolu lay tek serigne waaw ngay yow bo dem ba prise de conscience bi nga wax ni expliquer ni wa yalla subhanahu wa ta'ala woné la ak ko xamni ni woor na ke yow bo man nako waaw est ce que dang ko koy wax bo amé prise de conscience bi waaw il faut nga xok dara ko jamono ci paré ba façon dang koy wax sa xol mais dang koy wax tamit il faut nga wax tamit waaw d'accord donc bo dé ba prise de conscience bi dang koy wax né ko nak paré na voilà mais nak attention le à partir de ce moment là am nga problème tu n'as plus droit à l'erreur amul lo droit à l'erreur mais man ñu gën erreur moy lepp lo xamantene xétu manam lu genn teggine yi mu laaj digënté talib bi ak sëriñ bi amatul ben erreur bu ndaw lu gëna tuti bo am droit def won nañu xora teggine de ben le minimum de erreur boko défé c'est fatal et à jamais en plus c'est fatal mais à jamais c'est irrévocable voilà boko xasse ba jox bakkan waaw yowar so def erreur deureut bo ci dogo ne ko joxana sama bakkan rota ban ko def xolat ko bu baax malgré que bëgg nga munta ñak mais xolat ko parce que ben erreur bu ndaw won ndaw moindre erreur jeex est-ce que cher bi boko waxe li yow nga am conscience ci lolu bëgg ko and ak volonté bi yépp jox ko est-ce que mom jappalé bo mu lay jappalé est-ce que dina am ay test yu mu lay défaral wala ay lu nekk xagn ci lu ne xant ci waaw d'accord parce que yow lolu motax en fait xolal xolal fim tol ñun fi ñu nekk fi fi ñu nekk ni en plein continent en terre ferme fi moy ci jiri ji est-ce que soxla nañu par exemple ben maître nageur soxla wuñ ko lutax soxla wuñ ko parce que nekkuñ ci geej terre ferme on est sur la terre ferme voilà amuñu problème buñu nekkon ci tafes gi tamit soxla wuñ ko mais buñu démé par exemple à 1 km ba 10 km japp 20 30 ba 500 km ci bir digg geej gi té mënu ñu fi fofu soxla nañu maître nageur ah oui ah oui C'est-à-dire que qui prend en prise de conscience bobu ci affaire bi mom mo soxla kuko jappalé c'est-à-dire que mom mo soxla kuko libérer ci bakanam manam il faut mu am prise de conscience bu net bu wour bu lèr té xam fu mu jëm fan la kok mo koy soxla mo soxla ni ah man kat instant bi état bi ma tollu gis na ni même lu mu mënon def tamit xamna ni sama walu yalla dina am lu ci dess parce que sama bakkan lu libéré goul voilà légui moma bobu la koy def légui nak yi moy wax yépp depuis bobu ay outil yu lay jappalé pour mbir mi gaaw et que mu yomb et que jappandal la gu yéme ci walu gogou d'ailleurs kuko testé sax dina ko gis dina gis na vraiment jappandal bu magla nako cede alhamdullilah c'est bu legui mom testé nango alhamdullilah c'est mi ni nga wax ni prise de conscience bi non est mo xolé bon ma xam xam dess na de mais so xolé majorité ti yani am ñu prise de conscience bi suñuy sauve ci tarika wi voilà c'est à dire lolou la lay wax lolou la la doon wax ni la c'est que dafa am xam nga ñun légui ñun dañuy jël tarikha bi par affiliation d'ordre coutumier d'ordre familial parce que ci lañ juddo man de toute façon tidiane lay doon ndax sa mam ndeysan mu xaddam la won sa papa tamit mom ci tarikha bi la né wala yu mel non wala yenen yu bare bare yenen yu bare mën na tax nga dugg ci tariqa bi bo man ñi may andal yépp ñoom ay tidiane lañu tout ça bon tu sais té voilà donc man il faut ma jël tariqa bi wala ñun kat wala suñu koñ ki nangam wala serigne diw dal gis na ba xol mais vraiment ko ma neex la quoi mu vraiment serigne bu deug la quoi non man dal il faut ma dem jël tariqa bi quoi djel ci mom manam ngir fasciné bima fasciné ak yoy mais gisul ne wala bok mu deg ñu nan tariqa bi kuko djel da ngay dem aljana ken dula rek la ken dula ki comprendre da ngay wala ak tamit tariqa bi dal kuko djel bala nga dé da nga nek waliyu da nga ki yoy tax mu djel ko mais amul prise de conscience que ne dafa wara wut djel tariqa bi que pour yalla que ngir yalla voilà voilà lolou lañu bari prise de conscience bobu lañu bari amul et que dañ koy jël non lolo tax duñ ci jariño comme niñ ci waron jariño mais lan mo ki parce que tekin justement moy ko xamne dañ ko wara tarbiya wala tarbiya wa da amay tergine yo xamné c'est vraiment exigeant so xolé ci Ibriss ñu ko expliquer voilà yoy la wax comme Ibriss c'est exigeant comme man mi je trouve que c'est exigeant légui so xolé aw mi ñuy dugg ci tariqa bi ñom so xolé luñ ko mëna respecter xamuñu ko sax xamuñu ko mais ñoñu bokku jor ñoñu dañuy japp rek dañuy japp d'accord lolu tax nga né voilà différence ñaari ki voilà OK mais le fait que ñu djel bir bi est ce que lolu ñu jël ko ci ko xamné ni mom c'est un maître accompli est ce que taxna tamit ñu nek ay tidiane wala le simple fait que voilà ñu nek ci deuxième groupe yi ñom lañuy considérer comme tidiane deug voilà voilà mais est ce que ñi suñ ko jëlé ci par exemple ko xamné parce que d'abord il faut que l'intention de départ soit claire lolu la il faut que tu départes affaire bi leer les renvois ci hadith bo voilà affaire ici ci yene bi la djé d'accord c'est ça aussi wa gis nga borom Ibriss yi mi wax ci voilà c'est ça té en plus attention hein à un bon niveau manam bo démé ba commencer prendre en prise de conscience bobu ci moment bobu ba nga wara doxal acte bobu non niveau bobu niveau parce que lolu tamit en même temps prise de conscience là mais niveau spirituel là parce que niveau spirituel mo lay permettre nga mëna am prise de conscience bobu soko défé le moindre écart est fatal ah oui ce n'est vraiment pas une décision à prendre à la légère non pas à prendre à la légère lu jara xol la xolat ko bu bax setantal ko mûrir ko réfléchir ko parce que les conséquences sont désastreuses et irrévocables lol moy amul ni ba bari amul dugg ba bari genn amul ne bon legui ki won na mais je me suis rendu compte que affaire bi bu ko meun respecter legui bayina amul lol jusqu'au bout rek après jusqu'au bout la d'accord yow legui sir mi boko waxe lolou à partir de ce moment là wa mo meuna taxaw fixer ay conditions mais à partir de maintenant defal li okay ay ndigal ki terre rek la del def yi bayil li mën na la nakko ci anam bu ne ah mën na tang sax ci sa kanam ci yenn ki ku mus wax xef fitam du tok rien bobu mom fitam du tok parce que lune mën nako ci fekk te rien ni ak yi nak lolu mo ci gëna dangereux li ci gëna dangereux moy rien ni ak yi amul dara amul ak yi rien luñ la fi dik han buñ la digone khutba ni ne la da ngay nek khutbu yaagi deg mën nañ ko refok amul ak amul dara et en même temps aussi il faut nga am yaakar gu sax gu reuy ci yalla njortu gu rafet aussi donc da ngay nek ci xawf wo radja voilà di nawé ñaari laf yoy xamné rien est acquis mais xamné aussi yalla mom yeurmandem yatuna buma sobé buma jaaralé ci yoon bi c'est vraiment parce que dafa bëgg sama mucc rafet c'est parce que vraiment dafa bëgg ma yegg fenn motax mu jaaralé ma fi mais que rien est acquis djelna auto bi dugal na ko ci autoroute bi ma ngi dem Paris hein voilà je vais arriver à destination ñaar possibilité mo am ma dama ma ngi dem ci yoon bi ñaar possibilité mo am bu ñëk bi moy dawal na auto ba yegg tranquillement ñaaral bi moy am problème yu wuy yoon té buma yeggul c'est parce que il y a le pire ay ku jël xamna ni yéne bi sel ay hein ba xamna yéne bi dess na waaw jëlul fils de conscience bu ñu dugg ci tarikha bi waaw dugg na ci mu jël ko waaw bu ko wañé quoi non non loolu mu ñu nek li ko ko amna problème waaw mais batay li sax li ni may wax ni batay wuté na ak dugg ci tarikha bi kessé non batay amna touti différence cey ci moment bobu nak la gëné mais batay amna différence Allah akbar ah oui d'accord il faut affaire voilà mais qui le ay bo rafété ndiot suñu borom mu sem waaw ah am pour la plupart du temps kay man fim tollu tukki na dem na Paris lu bari delu sina so da rafé ko ci yone alhamdullah fi ci akay c'est ça le chemin pour toi voilà y a pas autre chose voilà mais une fois que me djel auto bi dem et que yiguma c'est parce qu'il y a le pire aussi voilà lool la la wax lool la affaire bi lool la et que attention c'est pas parce que dama yor auto que luma neex lay def ci yoon bi amna ben mauvaise conduite gis nga mauvaise conduite bu may def auto bi day sara mal buma mal manam buma nekké ci yoon bi au lieu ma dawal respecter les limitations de vitesse. Wow. Au lieu ma dawal may nelaw. Lu ne xagn ni ci? Ne xagn ni ci. Ça passe pas. Voilà, bo nekké nak ci yoon bi soobu nonou waroto nelaw. Ah non, dafa laaj éveil permanent. Dafa laaj respecter condition manam loi ci bir yoon bobu. Té loi yoy ngay respecté ci yoon bo bokut ak buma nékkon fi ci bédd mi fi ni buma na dawal bam yagg feu rouge tax ci ma taxaw am yenen ak yenen mais bu nékké ci autoroute bi voilà amna yo xamné respecté yoy mo benen affaire la vitesse bi du benn vitesse bi may dawé dootou nékk ci benn éveil bi mu laaj du nékk ci benn woruma manam yu bari bari bari bari bokutul yone bob mo gëna gaaw mo gëna yaatu naam et cetera mais mo gëna lacc ak attention vigilance ak respecter condition yi parce que suma ko deful il y aura le pire c'est ça té nekuma ci man kessé yone bi dafa voilà té luma ci gis nga yone bob bo ci xëssé ba nek nonu bima la wax ni bo ci xesse ba nek attention lo def gaay dañ lay gissa ci ci mais policier ñi fa gendarme exactement té dañuy surveiller tout temps té dañ ko filmer ba bara nga yegg dañ koy filmer lo ci def lu jadul dañ lay jégué dañ lay japp puni la sévèrement yoon bi non la mel Allah à part le moment bobu mo yow mo am nga problème mais non yaay c'est que aussi le fait que nga comprendre lo mo la permettre nga meuna japp yoon bi donc war nga am yaakar tamit mais dafa lacc benen xétu prise de conscience ak éveil bo xamantene bi rek laaju ko manam voilà bo xamné ñi nek ci biti autoroute bi nekku ñu ci yoon bobu ñom grawul quoi ñom am problème quoi voilà hein ya nañu yalla sam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin amin ya nañu fi yaaki ci ande gue